On va parler avec notre ami Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com. Une chance que j'ai mes compagnons du Blitz. Je viens de parler avec Wallet et là, je parle avec Tony. Salut Tony. Salut Danny, ça va Ouais, une bien? chance que je vous ai. Ben, demain, je devrais faire un podcast demain de basket avec Pascal Jobin OK. sur le documentaire de Michael Jordan. Mais avant de parler de tout ça, on en parlait en dehors des ondes, puis je vais amener ta discussion en ondes. Comment tu. Moi, j'ai de la misère. T'es aussi longtemps qu'il n'y a pas de date, le sport, les nouvelles, ça me rend complètement illégal, complètement indifférent. T'es-tu Ben, comme moi? je suis d'accord avec toi. Ben, tu parles des nouvelles en général Les ou du nouvelles du sport en sport? général, là, Ouais, t'sais, ben comme le hier, le sport. Canadien a signé un gardien de but. Oh, non, je suis. T'sais, Ben, nous, on est chanceux, vu qu'on est avec la NFL, le football. ouais. On est quand même occupé avec le repêchage. Mais je suis comme toi, Danny. La seule affaire que je réagis, c'est quand je regarde un peu la télé, puis là, je suis un peu tanné. Ben, normalement, je mets un sport, mais là, il n'y en a pas. Puis, comparé à toi, moi, je suis pas un grand fan de retourner dans des matchs avant, mais il y a des. Dans le passé, mais c'est ça. Mais je suis dans. Tu sais, il n'y a pas de nouvelles de sport comme telles, là. Tu sais, on est dans le même rythme que tout le monde. On attend après des consignes pour avancer dans la vie. Fait que. Ouais. Tu sais, le sport, malheureusement, c'est sûr, je dois dire qu'ils vont retourner. Ils vont sûrement. Moi, je suis pas convaincu, la Ligue nationale de hockey et de basketball vont finir leur saison. Hey, Wallet me disait tantôt que la NCA pourrait. C'est un des scénarios, là, parce qu'on n'entend Ouais. pas parler de la NCA du tout, là. Ouais. Wallet me disait que ça pourrait recommencer en septembre prochain, au printemps prochain de la Ligue. Voici une Ouais. saison de la NCAA au printemps. Ce serait spécial pareil, hein? Ouais, ça serait spécial. Mais on risque d'avoir un report de calendrier pour tout le monde. Comme, tu Ouais. sais, la NHL pense qu'ils vont finir une saison en juillet. Je vois pas du Non, hockey en non, juillet, là. non. Non, non, non, non, Tu non. sais, je sais que c'est une business. Ils ont besoin de l'argent. Mais tout le monde vit ça. Je sais pas. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver, Danny? C'est que tout le monde va faire leur sport au printemps prochain. Puis on va être rendu avec RDS 22, je pense. RDS22, ouais, c'est bon. Hey, Tony, on va se parler maintenant de la nouvelle hier qui était une surprise par Gronk qui revient. Bon, es-tu Que, heureux? non, parce que je reste un partisan des Pats, comparativement à beaucoup de monde hein, qui sont virés. Brady est parti, puis il y en a du monde qui sont pas fiables, qui sont rendus pour les Buccaneers. Moi j'appelle ça des. C'est pas des vrais partisans. Non, Normalement, c'est vrai. un vrai partisan reste avec l'équipe puis la ville. Tu sais, je veux dire, ben, je suis pas. Je suis bien placé, là. Je suis encore un fan des Dolphins. Ça ferait longtemps que j'aurais changé, mais. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu étais heureux parce que mais je suis content d'entendre que tu es encore un fan des Pats. Mais je vais écouter les Buccaneers pareil, mais on va suivre les Buccaneers pareil, là, plus que Ils l'année vont être passée, beaucoup plus que l'année passée, c'est normal, populaires, là, Danny, là, faut là. pas s'en cacher. Là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que les Bucs sont dans la Ligue nationale, dans la Conférence nationale. Bon, mes Pats, c'est l'équipe de l'Américaine, puis les Alors. Bucs vont être mon équipe dans la nationale, mais ils vont être très populaires. Chez eux, puis quand ils vont aller ailleurs, en tout cas, ça fait parler des Buccaneers parce qu'en plus, le Super Bowl prochain est à Tampa Bay, tu sais. Ouais, ouais. Mais toute une grande surprise, mais ça va faire jaser bien du monde pour voir comment ça se passe entre les quatre murs du vestiaire avec Bill Belichick aussi, là. Ben, c'est ça ma question. Je sais pas si tu as vu mon post hier. Moi, je me pose des questions Ouais. sur le leader. Tu sais, on peut pas blâmer Belichick. C'est tout un. C'est là, apparemment, je l'ai dit, c'est le meilleur entraîneur du sport, tout sport confondu. Sauf qu'on peut quand même se poser des questions sur le. Sur le la relation que c'est avec ses leaders. C'est Ben, comme t'es moi, je hein? peux dire que, il y a deux côtés de la médaille à ce niveau-là. Bill Belichick, il pense à son futur. T'sais? Puis Tom Brady, Tom Brady me fait beaucoup penser à Anthony Calvillo avec les Alouettes dans le Oh temps. oui, T'sais, c'est bon à un ça. moment donné, là, c'est comme, fallait donc jouer ton backup parce que tu ne resteras pas ici pendant longtemps. T'sais? Fait que Tom Brady, qu'est-ce qui est arrivé? Puis moi, je crois beaucoup à la fameuse théorie où ce que Belichick voulait garder Garoppolo, puis Tom Brady voulait pas. Fait que je pense que Tom Brady là, je suis pas surpris qu'il est allé pleurer à M. Kraft pour dire, hey, faut pas que tu sais échanger Garoppolo parce que moi je suis Ben, ici encore pour quelques années là. c'est documenté C'est ça. que Bill, que. Fait que pour du côté de Belichick, il va toujours être un leader, il va toujours bien gérer son équipe, c'est un génie, mais à un moment donné, il faut qu'il pense à son futur, puis quand les joueurs vont rester 2 ou 3 ans, il faut penser à la relève, puis justement, puis il y a un gars comme Gronk, il décide de prendre sa retraite parce qu'il est magané, il est amoché, sa tête est pas là, ça parle de dépression. Sauf que là, à un moment donné, c'est ça qui va arriver là. Fait que je peux pas dire, il y a eu sûrement de l'attention dans les dernières années parce que un coach, lui, il voit à son futur, tandis qu'un joueur, lui, il veut jouer jusqu'à temps qu'il est plus capable. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça va être quand même intéressant à suivre au cours des. Mais ça va être tout. Il va y avoir des armes dangereuses, Tampa Bay, puis. Je sais pas, j'ai toujours... Mais, tu sais, ça reste un corps de 43 ans. Un corps exact, de 43 exact. Ans, tu sais jamais... T'sais, ça peut tomber très vite. Hein. Puis je me demande jusqu'à quel point... Moi, je trouve que c'est... En tout cas, à moins qu'il sait bien gérer sa pression, Tom Brady, mais il va être vraiment scruté à la loupe là, cet été, là, cette ouais. année-là. Ouais, ouais. Je veux dire, le gars, ouais, là, il a tous les éléments devant lui. On doute un peu de la ligne offensive. Mais au niveau receveur, puis là, deux excellents, un noyau d'ailier rapproché, intéressant. En passant, je suis pas inquiet pour Eau Claire, là. Ouais, il peut jouer, c'est ce qui va le sauver, ce qu'il peut jouer, c'est l'unité spéciale. Hein. Ouais, puis c'est un excellent bloqueur. Fait que dans les schémas, s'il y a besoin de bloqueur, Anthony Eau Claire est un excellent bloqueur. Donc, malgré que Gronk aussi, mais. On risque de voir O.J. Howard ou même Cameron Brate échanger. Mais plus Howard, là, je pense, être dans cette situation-là. Mais Anthony Eau Claire, là, les gens, là, quand tu lis un peu les journaux à Tampa Bay, là, les dirigeants l'aiment bien gros. Mais avec Mike Evans, Goodwin, là, c'est tout. Brady, finalement, a son noyau de receveur comme il souhaitait avec les Pats qui n'avaient pas l'année passée. Mais ça reste qu'en tout cas, on va suivre ça de près. Il n'y a pas Josh McDaniels, par là. Exactement, puis je vais me sentir, je vais avoir un malaise si jamais, malheureusement, Brady va comme en guillemets, pas réussir. Puis, moi, je dis toujours qu'il aurait dû partir quand c'était le temps, là, un peu à la Manning, un peu à la Ray Lewis, là, tu sais. Moi-même, Peter Manning, c'était la dernière année, puis peux-tu te dire que c'était le temps que ça arrête, tu sais, c'était laborieux, c'était très laborieux. Ouais, mais il y a un bon coach, Bruce Arians, là, mais j'ai hâte de voir comment le reste de l'équipe va s'ajuster, puis il faut pas s'en cacher, il faut qu'il fasse les séries au moins, puis après ça, on verra, là, mais il devrait faire les séries compatiblement aux Browns de Cleveland l'année passée, où on le savait déjà, on avait des gros doutes que ça allait tomber, parce qu'on n'avait pas l'entraîneur d'expérience, mais Kitchen n'était pas l'entraîneur, il y avait beaucoup de têtes fortes. Tom Brady, le leadership, va être capable de les joueurs vont jouer pour Tom Brady. Ouais, puis là, je pense que, tu sais, c'est dans cette division, ça va être les Bucks, c'est les Saints, là, faut qu'ils fassent attention, mais... Ouais. Mais comme tu dis, c'est bien dit, mais je suis pas inquiète de Gronk. Il a de l'air en forme. Je pense que son année l'a aidé. Mais un choix de quatrième. Mais ça valait pas grand chose, Gronk. Soyons honnêtes, là. Un gars qui a 30 ans, qui a joué quand même qui a pas joué pendant un an. La valeur, il n'avait pas, là. Ben, il a pas joué pendant un an. Il était amoché. Ouais. Donc, physiquement, il est pas là. Puis, deuxièmement, même chapeau, là, au moins, il y a eu un quatrième round. Belichick, il faut donner ça parce que en 2018, il y avait des pourparlers pour l'échanger au Lyon avec Matt Patricia. Puis, il semblerait que Gronk aurait dit non, moi, je veux jouer, je veux attraper les passes à Tom Brady, sinon, je prends ma retraite. Fait que, donc, tu vois la relation avec les leaders, tu sais, je veux dire... Est-ce que tu penses que Julian Edelman pourrait partir également? Ben, je pense qu'il est très déçu, je pense qu'il en pleure. Ouais. Il va pleurer beaucoup, mais je sais pas jusqu'à quel point, je pense pas, à moins qu'il reçoive des offres, puis Belichick, il pense que c'est une année de reconstruction, mais tu as besoin quand même de, ouais, de bons joueurs, d'un bon leader. Puis Edelman pourrait jouer ce rôle-là, indépendamment qu'il va être au poste de corps. Okay. Mais ça n'est un que ça n'est un que c'est fait. Il se fait ramasser pas mal. Lui aussi, il est amoché. Oui. Puis il est allé dans le trafic en masse. Puis c'est un petit receveur, un petit joueur pareil. Parle-moi d'Odell Beckham. Il y a des rumeurs que les Browns seraient déjà tannés. Lui, on parle beaucoup d'Antonio Brown, mais lui aussi, c'est un moyen spécimen. Ouais. Ben, c'est la fameuse semaine avant le repêchage qu'on entend plein de rumeurs. Je peux pas. Il y a encore plus cette année parce que il n'y a pas de nouvelles dans le sport. Ouais, ben c'est ça. Fait que je sais pas. Sont-ils vraiment tannés? C'est sûr que lui, il pensait d'être la vedette comparé à Jarvis Landry. Mm. Est-ce que c'est vraiment ça? Ça me surprend pas qu'il est jaloux puis il fait sa diva comme tous les receveurs, mais. Je pense que les Browns, je pense qu'ils vont. Ben là, il y a un nouveau coach aussi. Fait que je pense que c'est une année décisive pour OBJ. Là. Fait que moi, je pense qu'il va rester à Cleveland, à moins qu'il y ait une offre qu'ils peuvent pas refuser là, soit pendant le repêchage. Là, mais ouais, en tout cas. Ça me surprendrait. Là. T'sais, c'est un receveur qui a vraiment une personnalité, comme tu dis, comme à la Antonio Brown, mais c'est quand même un bon duo. Faut juste que au niveau de l'attaque, faut bien gérer, puis Baker Mayfield, va falloir qu'il maximise les deux. Oui, c'est clair. Dis-moi, en terminant, je n'en ai pas parlé, comment ça va ressembler demain, le repêchage? Point de vue télévisuel, ça va être un peu bizarre. Hein? On l'a vu dans les gens qui ont vu le site, le repêchage de la WNBA. Ouais. C'était un peu bizarre, mais là, le repêchage de la NFL, où c'est un gros show, Mais ça va être un peu bizarre. Là. Ça va être très bizarre, Danny, parce que au début, qu'est-ce qu'ils voulaient quand même faire, c'est qu'au moins avoir le fameux War Room. Là. Ouais. Mais là, c'est interdit, donc chaque prise vidéo, c'est chacun pour soi chez eux, tu sais. Mm. Fait que ça, au niveau télévisuel, là, on va voir le producteur comment il va. Mais je suis pas sûr, je vais être honnête, j'ai pas des grandes attentes, puis on risque d'être déçus même. Ça a l'air que la générale, là, comme qu'ils disent, ils se sont pratiqués avant-hier, là. Ça a pas bien été. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Oh, monsieur, OK. Puis en plus, ils vont faire un genre de marathon, un téléthon, pour ramasser des fonds. Il va y avoir certaines vedettes au niveau de la chanson, du film, qui vont comme faire des messages pour ramasser des fonds pour le COVID, pour six organismes communautaire. Là. Donc, je vais être honnête, Danny, une chance qu'ils vont séparer ça en 3 jours parce que je sens que ça va être très bizarre et que ça ne sera pas si intéressant que ça. Non, effectivement. Et en terminant, la XFL qui a fait faillite. Ça, je suis abasourdi de ça. Je suis vraiment déçu. Écoute, ça fait 2 ligues qui se plantent en 2 ans. Je pense que ça vient de sonner de l'autre sur les ligues de printemps, malheureusement. Là, Oliver Luck, qui était le commissaire de la XFL, poursuit Vince McMahon. C'est pas beau, encore une fois. Là. Puis on avait bien des attentes sur la XFL. Moi, c'est sûr que la COVID a changé bien des affaires, mais faut vraiment... Quand t'es rendu là, faut vraiment se poser des questions sur le sérieux de Vince McMahon. Non? Je pensais qu'il était beaucoup plus sérieux que ça. Ouais, mais j'ai l'impression, il était peut-être sérieux au niveau de l'argent, mais c'est sûr que cette situation-là, là, on ne sait pas c'est quoi la vérité, là, mais c'est sûr que le COVID n'a pas aidé parce qu'en fin de semaine, ça aurait été la finale. Ouais. T'sais? Donc, puis il y avait des villes, les villes qui avaient un gros. Si vous allez sur notre site, là, j'ai fait un article là-dessus, là, il y avait. Je pense que c'est Saint-Louis encore qui avait quasiment 45 000 billets vendus le week-end après que ça a été annoncé l'annulation. Là. Donc, est-ce que c'est sérieux ou pas? C'est un gros risque financier pour du football de printemps. Fait que ça, on l'a vu. Malheureusement, là, il y a peut-être quelqu'un qui va acheter les actifs pour payer les créanciers. On ne sait pas. Mais oui, c'est malheureux. Puis Le fait qu'on n'a pas de vaccin, le fait qu'on n'a pas vraiment, on s'attend à rien, parce qu'il y a bien du monde qui disent que ça va être des affaires à huis clos jusqu'en 2021, 2022. C'est de l'argent qui ne rentre pas, là, malheureusement. Fait que, je veux dire, puis regarde aussi que ça a donné la lutte. Tu sais, la lutte, ils pensaient de réussir, mais tu vois, tu vois qu'il y a eu même de ça des mises à pied, puis ainsi de suite. Ben oui, puis c'est pas le même spectacle à la télé. Non, non, ben surtout un sport comme ça qui a besoin de la foule. Là, je sais pas, en tout cas, une game de football dans un stade de 60 000 personnes, là, ça, je sais pas. C'est malheureux, toute cette situation-là. Puis pour venir à la XFL, à moins que... S'il y a de l'espoir pour l'année prochaine, parce que quand ils ont annoncé la fin, ils avaient dit que ça reviendrait, mais là, à cause de... Je vois pas comment ça peut revenir avec la faillite. Là, non, mais c'est ça. Puis Vince McMahon, quel sérieux qu'il va avoir, Vince McMahon, là-dedans. Ouais. Là, quelle crédibilité qu'il va avoir. Je pense que ça vient pas mal de terminer l'histoire des Ligues de printemps. C'est dommage, parce que moi, je pense que des Ligues de printemps, il y a une place pour ça. Moi, je l'avais toujours dit, il fallait prendre le modèle de l'Alliance. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup des anciens de la NFL, c'était sérieux. Ouais. Donc, le modèle de l'Alliance avec l'argent de la XFL. Exactement. Puis malheureusement, écoute, je pense que la Ligue de printemps, là, si la NFL n'est pas là-dedans, là, oublie ça. Exactement. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi, Danny. C'est le concept des ligues mineures au baseball majeur, ou même au hockey. Il y a quelque chose, ça peut être intéressant, mais malheureusement... Il faut que la NFL soit impliquée de très près là-dedans. C'est ça, exactement. Ils ont l'argent, ils ont les ressources, ils ont un réseau de télévision. Et je demeure convaincu que ça serait du contenu pour NFL Network, qu'au printemps, c'est très triste là, à écouter. Ouais. Mais bref. Tony, on s'en reparle là, quelque part. S'il se passe de quoi de gros, là, c'est sûr que je vais continuer à parler avec Wallet tout au long de la semaine, mais s'il se passe de quoi... En passant, de très bons, des très bons segments audio avec Wallet, il est en feu, lui. Il est vraiment bon, il est meilleur que moi. Moi, je suis pas dedans du tout, on va te le dire. Non, mais on est là pour ça, Danny. Ouais. Danny, on est là pour te compléter. merci beaucoup, Tony Gouzeau, du site internet, blitznfl.com. Vous pouvez suivre ses excellentes chroniques sur le site Blitz NFL.